Merci, chérie. Ouais, papy. C'est hard, non? T'as même vu? C'est Saint-Joseph. Mike Breaker, poteau. En poste, quand même, tu sais. On n'est pas venu pour plaisanter. Sibi, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je te parle de gens qui n'admettaient d'avoir aucune règle et aucun maître. Je te parle d'un beau avec le cœur parce que c'est ma ville, mon amour. Même quand cette pute me voulait mort et puis qu'elle obscurcissait mes jours. Je te parle de moi, que tu te reconnaisses ou pas. J'ai pas le choix, je connais que ça. Ma vie écrite, un verre de givet à la main, joint dans la bouche. Je vais pas te mentir sur l'honneur tellement je suis sous. Même pas tu testes, alors écoute, c'est un check. J'suis né au camp Cyclone 4, j'étais le cadet d'une famille de 4. Ma soeur Marie, mon frère Tony, mon préféré, mon grand frère Jean-Jacques, c'est une sale baraque. Ma tante Sylvie, elle y vit encore. On a bougé à Eligue et Sono et mes frères sont montés en bang. J'étais le plus clair dans tout le quad, donc fallait être le plus dingue. Le fait ta mère avec Ali, Renoir et tu rentres sans tes fringues. Bola, tu ris avec qui, si tu parles mal, moi je te fume. Rien à foutre, ton père c'est qui, si t'ouvres ta gueule, moi je t'allume. Fallait le faire et on l'a fait, nos cœurs, nos couilles, c'est tout ce qu'on avait. Mes gars, mes guns, le crew, les gros, c'est tout ce qu'on savait. Du mieux qu'on pouvait, pas grand chose à perdre. Chico, le monde on voulait, et tout ce qu'il y a dedans, tout a se prouvé. Fallait le faire et on l'a fait, nos cœurs, nos couilles, c'est tout ce qu'on avait. Mes gars, mes guns, le crew, les gros, c'est tout ce qu'on savait. Du mieux qu'on pouvait, pas grand chose à perdre. Chico, le monde on voulait, tout ce qu'il y a dedans, tout a se prouvé. J'ai grandi et j'étais trop con avec quelques poils sur ma bite. Moi je voulais l'Amérique en Afrique et chaque week-end j'étais chez les flics à 13 piges. Je foutais la merde dans les bringues de toutes les petites. Avec ou sans invite, je te baisse ta fête, rien à foutre moi. Avec mes gars on était trop speed, si tu regardes mal on procide. Une bouteille dans ta gueule et t'es comme brûlé à l'acide. Fais ta pute mais la ville elle reste grande comme une chatte de pucelle. De toute façon on va se revoir et la promis on s'essaye. J'avais la haine, miss, j'ai mes problèmes, miss. Personne nous aime, miss. Je te fais l'amour, je suis tout seul et t'as l'impression qu'on est 10. Remarque qu'on était au moins 6. Dédicace à toutes mes ex du monastère, yes. Ali, l'original, et tous mes sauts sont marche en masse. Comme tu vois, on aimait trop les dièses de clash. Joe, chaud comme la braise avec Polo toujours en place. On faisait du rap et on appliquait toutes nos paroles à coups de batte. Qu'est-ce qu'il y a? Fallait le faire et on l'a fait, nos cœurs, nos couilles, c'est tout ce qu'on avait. Mes gars, mes guns, le crew, les gros, c'est tout ce qu'on savait. Du mieux qu'on pouvait, pas grand chose à perdre. Chico, le monde on voulait, et tout ce qu'il y a dedans, tout a se prouvé. Fallait le faire et on l'a fait, nos cœurs, nos couilles, c'est tout ce qu'on avait. Mes gars, mes guns, le crew, les gros, c'est tout ce qu'on savait. Du mieux qu'on pouvait, pas grand chose à perdre. Chico, le monde on voulait, tout ce qu'il y a dedans, tout a se prouvé. J'ai dû bouger du vieux continent à cause du mal que j'ai fait. Pardon maman, mais je suis un dur, l'enfant, la vie, la défaite. Allergique à la défaite, papa. Je suis loin d'être parfait, mais dans ma tête la mort vaut mieux que l'échec. Et c'est tout ce que je sais. L'école m'a dépassé, mais sur un mic, putain, qu'est-ce que je plais. Mais l'instru et ferme ta gueule, petit, écoute le rap d'un vrai. C'est le style des ligues, son au nigga. Fuck avec et meurs, chaque rime est ma peine. Mon âme et mon sperme y demeure. Chaque ligne, j'ai la scène, sur chaque beat mon cœur s'imprègne, ouvert aux quatre veines. Tout mon amour et toute ma haine, cette vie est la mienne. Et même si c'est une chienne, j'en ai qu'une alors je l'aime. T'inquiète, maintenant tu peux leur dire qu'ils viennent. J'ai goûté, vendu tous les poisons jusqu'au geôle de Babylone. Moi je prie plus pour qu'on m'aime, mais pour que Dieu me pardonne. Plus rien dans ce monde ne m'effraie. Je pense que c'est ça être un homme. Parce que peut-être mes ultimes rimes sont celles de ce street album. Fallait le faire et on l'a fait. Nos cœurs, nos couilles, c'est tout ce qu'on avait. Mes gars, mes guns, le crew, les gros, c'est tout ce qu'on savait. Du mieux qu'on pouvait, pas grand chose à perdre. Chico, le monde on voulait, et tout ce qu'il y a dedans, tout a se prouvé. Fallait le faire et on l'a fait. Nos cœurs, nos couilles, c'est tout ce qu'on avait. Mes gars, mes guns, le crew, les gros, c'est tout ce qu'on savait. Du mieux qu'on pouvait, pas grand chose à perdre. Chico, le monde on voulait, tout ce qu'il y a dedans, tout a se prouvé. Mbra, va leur dire que celui qui fait ça mauvais, dangereux, c'est Saint-Joseph. Ouais papa, on est là, Mbob Loulou, c'est hard, non?